Épouvantable et complet désastre. Eugénie n'avait plus qu'à déployer ses ailes, tendre au ciel et vivre en prière jusqu'au jour de sa délivrance. Ma mère avait raison, dit-elle en pleurant, souffrir et mourir. En voyant son pasteur, Eugénie crut qu'il venait chercher les 1000 francs qu'elle donnait mensuellement aux pauvres et dit à Nanon de les aller chercher. Mais le curé se prit à sourire. « Mademoiselle, si vous voulez faire votre salut, vous n'avez que 2 voies, suivre ou quitter le monde ou en suivre les lois. Le mariage est une vie, le voile est une mort. Croyez votre pasteur, un époux vous est utile, vous devez conserver ce que Dieu vous a donné. » La nouvelle du retour et de la sotte trahison de Charles avait été répandue dans toute la ville. Ce soir-là, vers 9 heures, les parties finissaient. « Restez, monsieur le président, dit Eugénie, à monsieur de Bonfond, en lui voyant prendre sa canne. » Le drame, commencé depuis 9 ans, se dénouait. « Monsieur le président, lui dit Eugénie, ma main est à vous. Voici 1 500 000 francs, partez pour Paris. Rendez-vous chez monsieur Desgrassins, sachez-y le nom de tous les créanciers de mon oncle. Rassemblez-les, payez tout ce que sa succession peut devoir. Quand vous aurez la quittance, vous porterez avec tous les titres à mon cousin Grandet et vous lui remettrez cette lettre. Mon cousin, monsieur le président de Bonfond s'est chargé de vous remettre la quittance de toutes les sommes dues par mon oncle et celle par laquelle je reconnais les avoir reçues de vous. Soyez heureux, selon les conventions sociales auxquelles vous sacrifiez nos premières amours. Pour rendre votre bonheur complet, je ne puis donc plus vous offrir que l'honneur de votre père. Adieu, vous aurez toujours une fidèle amie dans votre cousine Eugénie.